Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'espoir et de l'espérance chrétienne. Stanislas Kostka a écrit « Je ne me sens pas né pour ce monde, mais pour des choses plus excellentes. Dieu m'a créé pour lui. » Le père Jean-Nicolas Groux a écrit « La prière est l'unique consolation de l'homme dans cette vallée de larmes. Qu'elle soit désormais le plus précieux emploi de ma vie. » Fin de citation. La prière est donc un moyen d'espoir. C'est pour le bonheur éternel que Dieu nous a créés. La Bible dit, comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Alors le ciel sera un endroit magnifique. L'espérance d'y aller fait vivre, fait battre le cœur du chrétien. La Bible dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Heureux donc celui qui a Jésus-Christ comme espérance. Il peut dormir en paix parce que le ciel viendra le chercher après cette vie. Certaines épreuves, oui, nous pouvons les vivre sans Dieu peut-être, mais pour d'autres, c'est impossible. » Quand les consolations terrestres ne suffisent plus, il nous faut les célestes. L'homme qui vit sans souci de Dieu néglige sa vie dans sa source. Dans le bréviaire romain, il est écrit « Sans vous, ce monde est un désert brûlé par le soleil et par la soif, où rien ne peut me satisfaire. » Dans la Bible, le Seigneur fait une promesse merveilleuse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Si ce message a touché votre cœur et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et priez avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'accepte comme Sauveur et Seigneur. Je reçois par la foi cette merveilleuse espérance d'une vie nouvelle en ce monde et d'une vie heureuse après la mort. Je marcherai dans la paix derrière toi, je suivrai tes traces en t'aimant, et j'entrerai dans le repos de la foi dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors je vous encourage à retourner à l'Église, à vous procurer une Bible et à la lire régulièrement. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.